Presque tous les ouvrages qui honorèrent ce siècle étaient dans un genre inconnu à l'Antiquité. Le Télémaque est de ce nombre. Fénelon, le disciple, l'ami de Bossuet, et depuis devenu malgré lui son rival et son ennemi, composa ce livre singulier qui tient à la fois du roman et du poème, et qui substitue une prose cadencée à la versification. Il semble qu'il ait voulu traiter le roman comme M. de Meaux avait traité l'histoire, en lui donnant une dignité et des charmes inconnus, et surtout en tirant de ses fictions une morale utile au genre humain. Morale entièrement négligée dans presque toutes les inventions fabuleuses. On a cru qu'il avait composé ce livre pour servir de thème et d'instruction au duc de Bourgogne et aux autres enfants de France, dont il fut précepteur, ainsi que Bossuet avait fait son histoire universelle pour l'éducation de Monseigneur. Mais son neveu, le marquis de Fénelon, héritier de la vertu de cet homme célèbre et qui a été tué à la bataille de Rocou, m'a assuré le contraire. En effet, il n'eût pas été convenable que les amours de Calypso et de Charis eussent été les premières leçons qu'un prêtre eût données aux enfants de France.